Deux pièces vraiment puissantes de dub électro, c'est tiré de la compilation Dub Tentacles Volume 5 de l'étiquette Fresh Pulp Records, une étiquette française que j'adore. Je vous invite à télécharger absolument tous leurs albums, c'est vraiment bon à chaque fois. Donc on venait tout juste d'entendre Dub Sonder avec la pièce Amsterdam. C'était précédé par Submarine FM avec sa pièce McAdie's House. Submarine FM qui nous vient de la ville de Lyon en France. On poursuit avec toujours un artiste de la France, c'est Four Step. Je vous fais entendre sa pièce In the Hotel. C'est sur l'étiquette Subwise, une étiquette qui nous vient de Saint-Pétersbourg en Russie. Ensuite de ça, de la Bulgarie, c'est Protuberance. Je vous fais entendre sa pièce Solar Corona. C'est sur l'excellente étiquette Mahorka. We'll be right back. News is all set. The sun is surrounded by this million-degree corona or atmosphere that's just above the surface of the sun. And we actually don't know how the corona maintains a really hot temperature. There's two main theories out there. Says new star will also be able to tell us more about how our own sun functions. in about an hour of new star observations, we'll be able to tell which theory is right. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre un artiste de la Bulgarie, c'était Protuberance. Je vous faisais entendre sa pièce Solar Corona, c'était sur l'étiquette Mahorka. Avant ça, de la France, c'était Four Step avec sa pièce In the Hotel. C'était donc ça sur l'étiquette Subwise, une étiquette qui nous vient de Saint-Pétersbourg, en Russie. On va poursuivre avec une pièce publiée sur l'étiquette Phonocake. C'est Transient, un artiste vraiment actif dans la scène Net Audio. Ça fait quelques années, donc, qui évolue sur la scène. Beaucoup d'albums vraiment intéressants. Je vous fais passer sa dernière pièce intitulée Once When.

C'était une pièce donc de Big Deal, un groupe qui nous vient de Londres. C'était la pièce Pterodactyl. Avant ça, de Brooklyn, c'était les Beach Fossils avec la pièce Taking Off. C'était présenté sur l'étiquette Crep Productions, une étiquette de la Slovénie, tirée de la compilation Glasbena Oprema One. Donc, on va poursuivre Web Music avec cette fois-ci de la Suède, Life After People. C'est la pièce Lunge Part 3. Et ça va être suivi par Jokers Are Wild avec la pièce Jovian. Vous allez voir, vraiment planant. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Life After People. Thank you.

une pièce vraiment épique. Ce qui est vraiment donc intéressant à propos de ça, c'est que c'est un artiste solo qui a composé tout ça. C'est son pseudonyme, c'est Jokers Are Wild. C'est le pseudonyme de Mike Holmes, un artiste qui nous vient de l'Angleterre. C'était sa pièce Jovian. Avant ça, de la Suède, c'était Life After People avec la pièce Lungepartry. Donc, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à visiter le www.webmusic.ca pour avoir accès donc à toute la playlist et pouvoir télécharger absolument toutes les pièces de façon gratuite et légale. On va se quitter sur une dernière pièce un peu de post-rock qui nous vient de la ville de Jakarta en Indonésie. C'est Frozen Cast. Je vous fais entendre la pièce Waiting for June. Puis moi, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL HD.